Audiomatique. We'll be right back. C'est sur la musique du projet Undermathic que les sonoristes ont choisi de faire s'amorcer la transmission 310 d'Audiomatique avec la pièce Big City Nights tirée de l'album intitulé 10:10 PM. C'est avec le projet australien High que se poursuit Audiomatique. Nous terminions cette séquence musicale à Audiomatique avec le projet britannique I Am X mené par Chris Corner, un des membres fondateurs du groupe Sneaker Pimps, de l'album Alive in a New Light d'I Am X. Nous entendions la chanson Exit. Et pour débuter, il s'agissait du projet I qui s'orthographie H-A-A-I, de l'Australienne Tinaylee Trussell et sa composition Head Above the Parakeets, extraite du EP Put Your Head Above the Parakeets. Allons-y maintenant avec la formation Black Tambourine. Thank you. À Audiomatic, nous venons d'entendre la formation My Bloody Valentine et la pièce Honey Power apparaissant sur l'album EP Tremolo sorti en 1991. Avant cela, c'était le groupe Warsaw qui est en fait l'incarnation des premiers balbutiements qui mèneront à la célèbre formation Joy Division. La pièce que nous avons entendue, soit No Love Lost, est donc une première version jouée par Warsaw et peut se retrouver sur un bootleg homonyme sorti sur l'étiquette controversée russe DOL, D-O-L. Et en début de séquence, c'était la formation Black Tambourine et la pièce Black Car apparaissant sur le mini-album By Tomorrow. Il est également possible de trouver la pièce sur l'anthologie intitulée Complete Recordings qui regroupe les 10 pièces que Black Tambourine a publiées dans sa courte carrière en 1991 et 92. À Audiomatic, c'est au tour de la formation suédo-canadienne Das Howls d'essayer d'attirer votre attention. Latex, this is inner control. You're on point 007 at the right corrective. Make the correction, Ecotex. What's wrong? En conclusion de ce segment musical à Audiomatique, nous vous avons présenté le défunt groupe canadien I, qui s'orthographie simplement avec la lettre E entre parenthèses, de l'album compilation de Levitation Syndrome, qui regroupe l'intégrale des trois EP que le groupe a sortis en 1980 et 1981. Nous écoutions la pièce Prime Cuts, qui est également la pièce titre du dernier EP que I a fait paraître. Tout juste avant I, nous avions droit au groupe britannique A Certain Ratio, qui a récemment lancé un nouvel album après 12 ans d'absence sur disque. De leur 11e album studio ACR Loco, nous avons entendu la pièce What's Wrong. Et pour amorcer ce bloc musical, la formation suédo-canadienne basée à Montréal, Das Owls, nous interprétait la chanson Asleep in the Water, extraite de leur mini-album Black Matter. Nous terminerons cette transmission 3-1-0 d'Audiomatique avec une pièce du groupe Dialect, soit Classical Homicide, apparaissant sur le premier album From Filthy Tongue and Gods. Pardon, on recommence. Du premier album From Filthy Tongues of Gods and Griots, paru en 2002. Même si elle n'est pas tout à fait terminée, nous souhaitons quand même vous préciser que la transmission 3-1-0 se retrouvera prochainement en balado-diffusion sur nos plateformes facebook.com/audiomatique-cfou et également mixcloud.com/audiomatique. Et pour la prochaine transmission, eh bien, vous devrez syntoniser le 89.1 FM afin d'entendre en primeur les suggestions que vous feront les sonoristes. Voici donc pour terminer Dialect et la pièce Classical Homicide. C'était Audiomatique avec les sonoristes. For those of us who sin with it. Dirty sanctum became brethren's anthem. Jesus Christ, the black man, walks the earth still. Forgot to speak the real. Struggle space, not still. I appear to nil. Never one, not one. None of my pain ways to contest my thought. There's the talk, why question my heart? Everybody ways to contest my thought. There's the talk, why question my heart? Everybody ways to contest my thought. There's the talk, why question my heart? Everybody ways to contest my thought. There's the talk, why question my heart? action by raising on my raw. Darkness exposes every soul's flaw. I forever remain raw, unpolished, drunk with knowledge. You know when I'm done, now remain unsung. But in the eyes stays numb. We all shall succumb to eternal sleep. For now I just yawn. Just speak on ill gutter beats. Watch falling leaves. Walk on knees, down gravel path, vocalize on never tap. Invoke on path towards inner non-linear. Lay head monk sinner, solitude for a winner. Up all the visual surroundings, kept my bearings non-grounded. Liquid language kept frozen 40 ounces. How many Why question my heart? Every pop ways to contest my thoughts. Best to talk, why question my heart?